Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes le 25 novembre, dernier samedi du mois, donc c'est l'heure de la saga. Aujourd'hui, Imagination. Parfois persuasif comme un groupe américain pour sa vibe à la fois soul et disco, Imagination est bien né au Royaume-Uni en 1981 à Londres, qu'on se le dise. À cette époque, Lee Jones a déjà mis un pied dans la musique professionnelle en tant que chanteur et auteur. Il a d'ailleurs signé à l'été 1980 comme artiste solo avec un label qui lui permet de rencontrer Trevor Hans, compositeur entre autres de Video Kills the Radio Star pour son groupe The Buggles. Alors Trevor Hans lui produit le titre Got to be Good, sur lequel on trouve également la chanteuse Tina Charles. Mais la version originale est perdue aux États-Unis où des musiciens devaient s'occuper d'enregistrer des instruments par-dessus, ont perdu les bandes. Pour se faire pardonner, la maison de disques propose à Lee Jones d'écrire des paroles pour un duo de producteurs composé de Tony Swain et Stevie Jolley. Lors de l'une des innombrables sessions d'enregistrement entre Lee Jones et Tony Swain, le premier propose au deuxième une mélodie qu'il a composée sur la table de la cuisine de sa mère. Comme quoi, ça inspire beaucoup. Alors qu'il a également écrit des paroles, il enregistre ce jour-là ce qui sera le premier succès d'Imagination, la chanson Body Talk. Après l'épisode de son premier disque solo perdu, Lee Jones a peur que Body Talk ne marche pas et que si c'était le cas, cela nuise à sa carrière solo. Il préfère ainsi former un groupe pour sortir ce projet musical, travaillant déjà avec Ashley Ingram, qui est son bassiste attitré lors de ses sessions studio et au sein de leur duo Fizz. Lee Jones rencontre ensuite le batteur Errol Kennedy lors d'une audition pour un autre groupe. Nommé d'après la chanson Imagine de John Lennon, Imagination est formé en 1981 et ne changera jamais de composition jusqu'à la séparation des membres du groupe en 1992. Et ils se disent même que de choisir ce nom serait comme avoir la bénédiction des Beatles. On va écouter le fameux Body Talk. We'll be right back. sous la houlette du duo de producteurs Jolley et Swain, le désormais trio enregistre début 1981 les 7 pistes de l'album Body Talk, dont la chanson éponyme se classe numéro 4 des ventes au Royaume-Uni et numéro 10 en France. Incluant notamment Flashback et Burning Up, qui font partie des plus grands succès d'Imagination, les 7 chansons de l'album bénéficient toutes d'une sortie internationale. So Good, So Right devient un hit aux États-Unis, Flashback en France, Tell Me Do You Want My Love au Canada, etc., etc. Dès ce premier album, Imagination fait sensation grâce à son disco-funk teinté de jazz et de soul et sa direction artistique originale avec notamment l'utilisation de costumes d'époque, que ce soit sur scène, dans les clips ou sur les pochettes de disques. Le succès Burning Up est aussi parfois considéré comme le premier titre house de l'histoire, faisant d'Imagination un groupe précurseur. C'est parti pour un flashback. plus tard, le deuxième album, In the Heat of the Night, fera entrer Imagination définitivement au panthéon du funk. Au moment de mettre en avant leur nouveau titre, les membres d'Imagination hésitent entre deux morceaux, In the Heat of the Night, très jazzy, et un autre plus dansant, Just an Illusion. Pour les départager et trancher, Lee Jones demande à un ami DJ de New York de diffuser les deux chansons à fond dans les rues de la ville depuis sa limousine. Le verdict est sans appel. Les passants préfèrent, et de loin, Just an Illusion. En France, ce 45 tours est distribué par Gérard Lenormand via son label Caroline Melody, qu'il a fondé à la fin des années 70. Just an Illusion se classe numéro 1 en France et fait partie des 20 titres les plus vendus de mai à octobre 1982. Oh, Music and Light, toujours extrait du même album, rencontre également un grand succès et fait partie des tubes funk emblématiques des années 80. En 1983, sort l'album Scandalous, qui marque le début du déclin du groupe. Même s'il est encore, comme ses prédécesseurs, certifié disque d'or au Royaume-Uni. Cet album contient les singles Looking at Midnight, New Dimension et State of Love, qui rentrent dans les classements, mais alors loin des premières places cependant. Lee John fait une pause en 1984 pour se consacrer à la comédie et à la télévision. Thank you. Le groupe édite à la fin de cette même année le titre inédit « Thank You My Love » qui rencontre un certain succès en Angleterre et en France, donnant à Imagination un bref regain de popularité. En 1986, paraît l'album « Trilogy » qui devait s'intituler à l'origine « The Key ». La chanson ayant été retirée du disque, c'est le slow « Trilogy » qui donnera son nom à cet album qui n'aura que très peu d'impact dans les classements. En 1987, le groupe s'exile aux États-Unis et s'entoure de producteurs de renom. L'album Closer sort cette année-là et Instinctual, son deuxième single, deviendra finalement un tube dans les clubs US. Mais tout ceci n'égale cependant pas le succès important qu'il rencontrait au tout début des années 80. En 1989, Imagination réarrange ses tubes et sort l'album compilation Like It Is All The Hit, qui atteint alors une bonne quatrième place au Royaume-Uni, C'est le meilleur score du groupe dans ce pays depuis des années et il sera certifié disque d'or aussi. L'album studio paru en 1992, The Fascination of the Physical, reste anecdotique. À partir de cette date, le trio ne sortira plus que des compilations, puis se séparera en 1995. Depuis, Lee Jones fait vivre l'âme du groupe en interprétant ses plus grands succès. Pour finir, je vais vous passer So Good, So Right, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye! So right, you make the moon just keep on shining. like the